mwen tro jalou. Yo ti mwen posesif, yo men ti mwen pasivilize. L'important pou kompran, ke de kil saji de kèr. Ne se pa jamase, surtout le bonè nou menase. Pil flana devant un bio pas jaloux, mais l'entendre à deux, c'est mes tâches nous chérir ou pas d'affaires. Sa vie qu'on défend gagner, c'est que m'a caché sentiment. Moi, à jamais penser longtemps ou questionner bagaille, moi pas comprendre. L'amour, l'amour, l'amour. Oh. Ya da da da da, ya da da da. Moi même avec un sous-preuve tangible pour relation qu'a commencé à partir d'une simple plaisanterie. Un peu de temps et d'attention réunis nous deux. Faut mieux comprendre, bon vigilant pour ça pas répéter. Mwen ma bi prononse, en yon panse ya love you girl. Nan moun se pou l'éternité, mi ka men komon. Hold up, nan moun kon apil kwa se ya play with a girl heart. Sing it, hold up, tell her di chuchi ya fi know her from the start. Ou pa ki de kuyo. Pa pesan, yon jwen, le o di yon moun ke ou remen. Ou pa jan, me konen, ki kote sa ka vive. Pa pesan. Le ou di yo moun ke ou remen. Ou pa jambe konen. Ki kote sa ka gite. Mwen e voile tout sa kno kem. Pase mwen ble pa asurans. Ou ke mba vulnerable. Mwen koute nou chaje ak mou. Kam veye pou nan difikulte. Vin bay konsey pase pou. Pipo, pa nan bagay sa nou. Jania, Sacha, Benjamin, Katia, Kikote, Saka, Bibé, son dictionnaire, Samara, Kathleen, Francesca, Kikote, Saka, Bibé, Mouen et Voile, Zang, Nogem, parce que Mouen plaît pas en assurance, ou que m'a vulnérable. Chaje ak mou, ka veye pou nan difikulte. Vin bay konsey pase pou, bifo. Ya love you, girl. Pwene ma bin pou mwase. En ti konsey ya love you, girl. Nan moun se pou l'eternite. Stand up, hold up. Nan moun a fin konsey ya play with a girl heart. Sing it, hold up. Tell her the truth, she ya fi know her from the start. Ou pa pi do yo. Jaloux, yo toujours à parler de mal. Parce que jaloux. yo dis-moi pas faire confiance. Parce que jaloux, yo dis-moi pas respecter. Parce que jaloux, yo dis-moi faire un coup prisonnier. Parce que jaloux, yo dis-moi forme ta rivalité. Le cœur a ses raisons, que la raison elle mène en yo. Pensez d'affloter l'amour, mes pieds. Pensez d'affloter l'amour, mes pieds. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est toujours qu'à nous qui commandait. Parce que jaloux, yo dis-moi pas faire confiance. Parce que jaloux, yo dis-moi pas respecter. Parce que jaloux, yo dis-moi faire un coup prisonnier. Parce que jaloux, yo dis-moi faut ta révolter. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Pensez d'applaudir l'amour, mes pieds. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. C'est toujours que nous qui commandons. Mais qui bagaille ça? Ça vaut qu'on j'aime faire nous là.